السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من أسماء الله سبحانه وتعالى التي ثبتت في السنة الرفيق، الرفيق. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم. وروى مسلم في صحيحه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. ففي الحديث التصريح بتسمية الله بالرفيق ووصفه بالرفق، وأن له من هذا الوصف أعلاه وأكمله وما يليق بجلاله وكماله سبحانه. Parmi les noms sublimes d'Allah tabaraka wa ta'ala qui ont été affirmés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Ar-Rafiq. Il y a Ar-Rafiq, qui signifie celui qui est doté de la douceur parfaite, celui qui est doux, et nous allons étudier les autres sens qu'il comprend et renferme. En effet, dans le recueil de l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, Urwa, c'est Ibn Zubayr, le neveu de Aïcha, le fils de Asma, bint Abi Bakr radiallahu anhum. Donc Urwa rapporte que Aïcha radiallahu anha a raconté qu'un groupe de juifs demanda la permission d'entrer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En le saluant, ils dirent: Assamu alayk. Assamu alayk. Donc, que la mort soit sur toi. Aïcha répondit: que la mort ainsi que la malédiction soient plutôt sur vous. Il dit alors sallallahu alayhi wa sallam: ô Aïcha, Allah est certes doux et il aime la douceur en toutes choses. Je rétorquai: n'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit? Il ajouta: j'ai répondu, et sur vous aussi. L'imam Muslim rapporte dans son authentique, d'après Amra bint Abd al-Rahman, rahimahallah, que Aïcha radiallahu anha a transmis. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné: ô Aïcha, Allah est doux et il aime la douceur. Il accorde par la douceur ce qu'il ne donnerait pas à cause de la violence ou tout autre comportement. Ô Aïcha, certes Allah est doux et il aime la douceur. Et il donne par la douceur ce qu'il ne donne pas, ce qu'il ne donnerait pas à cause de la violence, la virulence, ou tout autre comportement. À travers ces hadiths, il y a la mention explicite du nom d'Allah, Ar-Rafiq, le doux, qui comprend l'attribut de la douceur. Allah tabaraka wa ta'ala, parmi ses attributs, Ar-Rifq, la douceur. Il a ou il détient cette qualité dans sa forme la plus parfaite, la plus complète, comme il correspond à sa majesté ainsi qu'à sa perfection, exempt soit-il de tout défaut, de toute similitude avec ses créatures. Donc dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, des gens du livre sont entrés chez le prophète alayhi salat wa salam après avoir demandé la permission et leur accorda. Et au lieu de lui dire « Assalamu alaykum » que la paix soit sur toi, ils ont altéré cette parole d'une manière qu'ils ont pensé subtile en disant « Assalamu alaykum » mais le prophète alayhi salat wa salam n'était pas distrait. Il a compris leur parole gravissime. Aïcha radiallahu anha, en entendant ces termes, a immédiatement pris la défense du prophète alayhi salat wa salam et les a réfutés en disant « C'est plutôt sur vous qu'est la mort ainsi que la malédiction. » Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donna une leçon de douceur. Une leçon de douceur, une leçon d'endurance face aux nuisances. Ya Aisha, ou Aisha, inna Allah rafiq. Certes, Allah est doux. Yuhibbu rifq. Il aime la douceur. Fil amri kulli. Et cela, quelle que soit l'affaire. Et cela, quelle que soit l'affaire. Donc, toute chose, Allah Azza wa Jal aime al-rifq, la douceur. Aïcha lui a dit, n'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit? Il a répondu, et moi j'ai dit, ou allez, commet sur vous aussi. Donc ce hadith nous montre que parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a Ar-Rafiq, et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala aime parmi ses serviteurs ceux qui ont de la douceur. Ceux qui ont de la douceur. Dans le second hadith, Aïcha radiallahu anha, nous dit que le prophète alayhi salat wa salam lui a dit « Inna Allah rafiq, yuhibbu rifq » Certes, Allah est doux, il aime la douceur. Allah azza wa jalla est rafiq, il est doux envers ses serviteurs, il veut pour eux la facilité. Il leur a légiféré la facilité. « Wa yu'ti ala rifq » Il accorde par la douceur. Il accorde par la douceur, comme les éloges dans ce bas monde, comme la facilité dans les affaires, comme le fait de pouvoir atteindre son objectif, comme la grande récompense dans l'au-delà, et ainsi de suite. Il accorde par la douceur ce qu'il n'accorde pas à cause de la violence, ou la sévérité, ou la virulence. Na'am. Wama la yu'ti ala siwa, ou ala ma siwa. Ce qu'il ne donnerait pas à cause de la violence ou de tout autre comportement. Donc il y a clairement ici le mérite de la douceur. والرفق اللين والسهولة والتأني في الأمور والتمهل فيها وضده العنف والتشديد زاد القرطبي والتعصيب فهو مأخوذ من الرفق الذي هو التأني في الأمور والتدرج فيها والتدرج فيها والله سبحانه رفيق في قدره وقضائه وأفعاله رفيق في أوامره وأحكامه ودينه وشرعه الرفق ce terme là nous yani renferme la commodité, la facilité, la douceur, le fait de faire les choses graduellement, petit à petit. Ce terme-là s'oppose à la virulence, à la dureté, au fait de rendre les choses difficiles. C'est un terme qui est dérivé de la douceur, qui consiste à avancer graduellement. Petit à petit. Et Allah subhanahu wa ta'ala est doux. Il est doux dans ce qu'il a décrété et prédestiné. Il est doux dans ses actions. Il est doux dans ses ordres. Il est doux dans ses jugements, dans la religion qu'il nous a légiférée. Allah subhanahu wa ta'ala est doux dans ses lois. Subhanahu wa ta'ala. Wa min rifqihi subhanahu fi af'alihi annahu سبحانه خلق المخلوقات كلها بالتدرج شيئا فشيئا بحسب حكمته ورفقه مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة وهو دليل على حلم الله وحكمته وعلمه ولطفه وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم حمدهم لله عز وجل على رفقه في الخلق وتصريفه الدائم للمخلوقات وأنه لم يجعل الخلق ثابتا على هيئة واحدة. Un aspect de la douceur d'Allah Azza wa Jal dans ses actes est le fait qu'il a créé toutes les créatures petit à petit selon sa sagesse et sa douceur, bien qu'il soit capable de leur donner vie d'un seul coup en un seul instant. Allah Azza wa Jal était capable de créer l'ensemble des créatures d'un seul trait. D'un seul coup, l'ensemble au même moment. Mais, comme c'est Ar-Rafiq, il a créé toutes ces créatures-là, petit à petit. Et la création de cette même créature a lieu graduellement. Si on prend l'humain, il est une goutte. Puis un morceau de chair, et il grandit dans le ventre de la mère jusqu'à être un bébé dans le ventre, dessiné. Puis on lui insuffle l'âme, na'am. Puis il naît et il grandit. Hakada. Pareillement pour les autres, pareillement pour les animaux et d'autres créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous est parvenu. Tout cela nous montre quoi? L'indulgence d'Allah, sa douceur. Tout cela nous montre la science d'Allah Azzawajal et sa bonté. On rapporte que les compagnons louaient Allah pour sa douceur envers la création, qu'il transforme les créatures en permanence et surtout parce qu'il ne les a pas dotées d'un aspect immuable. C'est-à-dire que les créatures ne sont pas toutes sous la même forme. Les créatures ne sont pas toutes sous la même forme. Ceci nous montre l'attribut d'Allah Azza wa Jal ou l'effet de l'attribut d'Allah Azza wa Jal. Rawa ibn Abi Dunya bi sanadin jayyid 'an al-Hasan al-Basri rahimahullah annahu qala kanu yaquluna ya'ni ashabu an-nabi sallallahu alayhi ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi ar-rafiq الذي لو جعل هذا الخلق خلقا دائما ليتصرف لقال الشاك في الله لو كان لهذا الخلق ربا يحادثه وإن الله عز وجل قد حدث بما ترون من الآيات إنه جاء بضوء طبق ما بين الخافقين وجعل فيها معاشا وسراجا وهاجا ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق وجاء بظلمة طبقت ما بين الخافقين وجعل فيها سكنا ونجوما وقمرا منيرا وإذا شاء بنى بناء أي الصحاب جعل فيه من المطر والبرق والرعد والصواعق ما شاء وإذا شاء صرف ذلك وإذا شاء جاب ببرد يقرقف الناس وإذا شاء ذهب بذلك وجاء بحر يأخذ بأنفاس الناس يعلم الناس أن لهذا الخلق ربا ويحادثه بما يرون من الآيات كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة. Ibn Abi Dunya rahimahullahu ta'ala mentionne avec une bonne chaîne de transmission selon Al-Hassan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam disaient: toutes les louanges reviennent de droit à Allah, Ar-Rafiq. Il louait Allah Azzawajal parce que c'est Ar-Rafiq. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, Ar-Rafiq. Celui qui n'a pas doté cette création d'une constitution permanente n'évoluant pas. Sinon, ceux qui doutent d'Allah auraient dit, si cette création avait un seigneur, si cette création avait un maître pour la rendre plus belle, pour la faire évoluer, changer. Et certes, Allah a embelli l'univers par les signes que tu constates. Il a mis une lumière qui emplit l'espace entre l'Orient et l'Occident. Il y a introduit la subsistance ainsi qu'une lampe incandescente. Ensuite, lorsqu'il le désire, il fait disparaître cette créature et plonge le ciel dans une obscurité totale. Il y fait régner le calme au milieu des étoiles et d'une lune éclairante. Puis selon sa volonté, il érige une construction au sein de laquelle il met la pluie, c'est-à-dire les nuages. Il met la pluie, et les éclairs, le tonnerre et la foudre autant qu'il le souhaite. Quand il le veut, il change cette condition et la remplace par un froid qui fait claquer des dents. Lorsqu'il le désire, il fait partir ce froid et apporte une chaleur qui se saisit ou bien qui apporte une gêne pour respirer, une chaleur étouffante, afin que les gens sachent, à travers les signes dont ils témoignent, que cet univers a un maître qui le transforme, qui le fait évoluer. Il a un seigneur. De même, quand il le souhaitera, il mettra un terme à ce bas monde et fera venir l'au-delà. Et fera venir l'au-delà. Voilà, Cheikh l'Islam, ابن تيمية رحمه الله تعالى وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا ذلك وبينوه للناس وعرفوا أن حدوث الحوادث اليومية المشهودة تدل على أن العالم مخلوق وأن له ربا خلقه يحدث فيه الحوادث. ابن تيمية رحمه الله تعالى dit, les compagnons du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam connaissaient cela. Ils l'ont expliqué aux gens. Ils savaient que l'occurrence des événements quotidiens visibles prouve que le monde est créé et qu'il a un maître. Celui qui l'a créé et il suscite les événements. Les événements. ثم أورد أثر الحسن المتقدم ثم أورد أثر الحسن المتقدم وعلق عليه تعليقا مختصرا. Par la suite, Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى a mentionné le athar, le récit de Al-Hassan qu'on vient de mentionner, et il a mentionné certaines annotations. On peut ajouter que parmi les sens de Ar-Rifq, Iradatun Naf'a, Wal Khayri Lil Ghayr, Yuqal Arfaqtu Bima'ana Naf'atuhu, Ay Awsaltu Lahu An Naf'a. Parmi les sens de Ar-Rifq, la douceur, c'est le fait d'être utile, d'avoir apporté une utilité à autrui, d'avoir été profitable, d'avoir touché d'un bien أطري. ومن رفق الله بعباده رفقه سبحانه بهم في أحكامه وأمر ونهيه فلا يكلف عباده ما لا يطيقون وجعل فعل الأوامر قدر الاستطاعة وأسقط عنهم كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة لهم ورفقا بهم ورحمة ولم يأخذ عباده بالتكاليف دفعة واحدة بل تدرج بهم من حال إلى حال حتى تألف النفوس وتلين الطباع ويتم الانقياد. Fait partie de la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs que dans ses jugements, dans ses ordres et ses interdits, il ne les charge pas si ce n'est selon ce qu'ils peuvent supporter. Il a rattaché les ordres et la mise en pratique de ses commandements à la capacité. Tout comme il a dispensé de nombreux actes en cas de difficulté. En cas de difficulté. C'est de sa part une autorisation ainsi qu'une forme de douceur et de compassion. Tout ça par miséricorde envers ses serviteurs, parce que c'est Rafiq, il est doux, tabaraka wa ta'ala. Il ne les a pas, il n'a pas imposé les charges d'un seul coup à ses serviteurs. Allah, tabaraka wa ta'ala, n'a pas tout ordonné d'un coup, il n'a pas tout interdit d'un coup. Mais plutôt, ceci est venu progressivement. D'une étape, nous sommes passés d'une étape à une autre, et le tout progressivement. Pourquoi cela ? Pour que les âmes se familiarisent, pour que le serviteur s'y fasse petit à petit, et que les autres, ou plutôt que yani la nature de l'homme s'assouplisse, que son œuf devienne malléable, jusqu'à atteindre la soumission totale. Ça, c'est un grand effet de la douceur d'Allah envers nous. Pendant 10 années, le prophète alayhi salam a invité les gens au tawhid. Qu'est-ce que at-tawhid? At-tawhid, c'est le fait d'adorer Allah seul d'un culte sincère. At-tawhid, c'est le fait de s'acquitter de nos devoirs envers Allah azza wa jal, le Seigneur des mondes, en reconnaissant qu'il est unique, en ayant comme croyance ferme qu'il est unique. Nul ne lui est semblable, il a la perfection absolue, c'est le Seigneur. Le seul créateur, le seul maître, donc le seul qui mérite d'être adoré. C'est ça, tawhid, adorer Allah seul sans jamais rien lui associer. Rattacher son cœur à lui seul, sans associer. Le fait de se diriger vers lui dans toutes nos affaires et de lui reconnaître la perfection absolue. Ça, c'est tawhid. À cela a invité les serviteurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 10 années. Où vous les gens dites la ilaha illallah, vous réussirez. Dites la ilaha illallah, vous serez préservés de l'enfer. Celui qui dit la ilaha illallah, sincèrement de son cœur, sera préservé de l'enfer. Avec véracité dans son cœur, sera préservé de l'enfer. Celui qui meurt en ayant la science de la ilaha illallah, entrera au paradis. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a appelé les gens à cela pendant 10 ans. 10 ans après, 10 ans après, il y a eu Al-Isra ou Al-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension, durant lequel on lui a ordonné la prière. Cette même prière qui a été ordonnée n'était pas exactement comme nous l'appliquons au jour d'aujourd'hui. Elle n'était pas exactement comme cette prière à travers laquelle nous obtenons le plus grand plaisir, la plus grande joie au jour d'aujourd'hui. Celui qui était résident, au lieu d'en prier 4, il en priait 2. Il en priait 2, comme le voyageur au jour d'aujourd'hui. C'est venu petit à petit. Plus tard seulement, on a complété la prière du résident de 2 à 4 pour le Dhuhr, le Asr et l'Isha. Et on a enlevé cela lors du voyage. C'est-à-dire que ça reste 2 lors du voyage. Un autre exemple dans la révélation du Coran. Dans la révélation du Coran. Allah Azza wa Jalla a révélé progressivement. Il n'a pas tout révélé. Il n'a pas fait descendre le Coran directement d'un coup, d'un trait. Dans Surat al-Isra, le verset 106. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا. Allah Azza wa Jal nous mentionne cela, qu'il a révélé les versets progressivement. Progressivement. Durant 23 ans Le prophète Ali salat wa salam a reçu la révélation petit à petit. Puis Allah, de par sa douceur, nous a facilité sa lecture et la mémorisation des versets. Il nous dit dans son livre, dans Surat al-Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Tout cela fait partie des effets de la douceur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, cette législation est une législation de rifq, de douceur. Et elle nous a été légiférée en se basant sur le rifq, sur la douceur. C'est venu graduellement, on nous facilite. Lorsqu'il y a une difficulté, on nous enlève l'obligation ou on nous l'allège. Et on a rattaché les obligations à la capacité. À la capacité. Et ainsi, l'âme du serviteur s'adapte et prend goût à cette adoration et s'habitue. Ça ne vient pas d'un coup, ça n'est pas trop difficile, mais petit à petit. Wa min rifqi subhanahu imhaluhu راكب الخطيئة مقترف الذنب وعدم معالجته بالعقوبة لينيب إلى ربه وليتوب من ذنبه وليعود إلى رشده. Il y a une grande subtilité que nous mentionne le Cheikh حفظه الله تعالى عبد الرزاق. C'est que parmi la douceur d'Allah tabaraka wa ta'ala envers ses serviteurs, le fait que lorsque une personne commet un méfait, un péché, il ne le punit pas d'emblée. Il lui laisse un temps pour se ressaisir, pour revenir vers son Seigneur et se repentir. Allah tabaraka wa ta'ala laisse un répit à celui qui a commis la faute, à celui qui a désobéi, à celui qui a péché. Et il ne s'empresse pas de le punir par la punition ou par le n'âme de lui infliger la punition. Tout cela afin que le serviteur revienne à son Seigneur, accourt vers son Seigneur, se délaisse le péché, revienne, se repent à son Seigneur et retourne vers la droiture. قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وقال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Dans sourate Al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens de ce verset: et ton Seigneur est le grand pardonneur, le détenteur de la clémence. S'il voulait les punir selon leurs œuvres, il hâterait certainement le châtiment. Mais un rendez-vous pour cela leur a été fixé et ils ne trouveront aucun moyen de s'y soustraire. Allah tabaraka wa ta'ala ne veut pas nous châtier, il veut qu'on revienne à lui, il préfère nous pardonner que de nous châtier, subhanahu wa ta'ala. Mais si le serviteur fait les causes pour recevoir la punition, alors il est sous la volonté d'Allah. Allah azza wa jal, à ce moment-là, fera ce qu'il voudra, tabaraka wa ta'ala. S'il veut, il le châtie. S'il veut, il lui pardonne. Et sa miséricorde précède sa colère. Dans Suratu An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens du verset: si Allah tenait rigueur aux hommes de leurs injustices, et s'il se saisissait des serviteurs selon leurs injustices, il ne laisserait subsister aucun être vivant sur la terre. Ça nous montre la douceur d'Allah envers les serviteurs, envers les pécheurs. Et ils ont commis les causes pour recevoir la punition. Malgré ça, Allah Azza wa Jal, par douceur et miséricorde, il repousse cela. Mais il les renvoie jusqu'à un terme fixé. Puis quand ce terme échoua, ils ne pourront ni le retarder d'une heure ni l'avancer. Non. فبين سبحانه أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من الذنوب والكفر والمعاصي لعجلهم العذاب لشناعة ما يرتكبونه ولكنه حليم رفيق لا يعجل بالعقوبة بل يمهل ولا يهمل ولا يهمل أو يهمل Le Seigneur Naam. Le Seigneur fait donc ressortir que s'il tenait rigueur aux gens pour les péchés qu'ils ont commis, tels que la mécréance ou les actes de désobéissance, il leur enverrait un prompt châtiment en raison de la laideur de leurs actions. Mais comme il est indulgent et doux, au lieu d'une punition hâtive, il leur accorde du temps sans toutefois les négliger. C'est important de souligner cela. Yumhil wala yuhmil. Allah tabaraka wa ta'ala donne un répit sans négliger. C'est-à-dire que si le serviteur n'utilise pas ce temps à bon escient, ne revient pas vers Allah, ne demande pas pardon à Allah Azza wa Jal, il se peut qu'il ait une mauvaise fin et qu'il soit châtié. Naam. ومن رفقه سبحانه أن دينه كله رفق ويسر ورحمة وأمر عباده بالرفق ويعطيهم على الرفق ما لا يعطي على الشدة ولا يكون في شيء من الأمور إلا زانه ومن حرمه حرم الخير ولذا ينبغي على كل مسلم أن يكون رفيقا في أموره كلها وأحواله جميعها بعيدا عن العجلة والتسرع والتهور والاندفاع فإن العجلة من الشيطان ولا يبوء صاحبها إلا بالخيبة والخسران وكفى بالرفق نبلا وفضلا أنه حبيب للرحمن فهو سبحانه رفيق يحب الرفق Parmi la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que sa religion tout entière soit douceur. Sa religion tout entière n'est que douceur, facilité, compassion, pitié, miséricorde. Il a ordonné à ses serviteurs, et il a ordonné à ses serviteurs la douceur. Et il accorde Il octroie par la douceur ce qu'il n'accorde pas et n'octroie pas par la dureté, la sévérité. Et la douceur n'est pas mise dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. Et quiconque en est privé a été privé de tout bien. Quiconque est privé de douceur aura été privé du bien. C'est pour cela qu'il convient aux musulmans d'être doux et qu'il utilise la douceur dans tout ce qu'il entreprend. Dans tout ce qu'il entreprend et dans l'ensemble de ses états et situations. Le musulman doit être éloigné de la précipitation, de l'empressement, de l'impétuosité, de la fougue. Naam. De se presser à faire les choses d'une mauvaise manière. Car certes, la précipitation vient du diable. Et celui qui se comporte ainsi, ça ne fera qu'engendrer perte et mada naam. Naam, échec et perte. Et il suffit comme noblesse et mérite à la douceur d'être aimé du tout miséricordieux. En effet, Allah Subhanahu wa ta'ala est rafiq, il est doux, yuhibbu rifq, il aime la douceur. وقد جاءت السنة النبوية بالحث على الرفق في الأمور كلها. En effet, la sunna prophétique, la tradition prophétique, a enjoint et nous a encouragé à être doté de douceur dans toutes nos affaires, dans toute situation. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه وفيه عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم أو من يحرم الرفق يحرم خيرا وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وحسن الخلق وحسن الجوار وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. L'imam Muslim رحمه الله تعالى rapporte le hadith de Aisha رضي الله عنها qui dit le prophète صلى الله عليه وسلم a dit certes la douceur ne se trouve pas dans une chose sans qu'elle l'embellisse. Et on ne la retire pas d'une chose sans qu'elle l'enlaidisse. À partir du moment où la douceur se mêle à une chose, elle l'embellit forcément. C'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir du moment où on dépouille cette chose de douceur, où on enlève la douceur dans cette chose, forcément, elle sera enlaidi. Ceci est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Que ce soit dans les actions, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans les comportements, il faut y mettre douceur. Dans le recueil d'Imam Ahmed al-Musnad, Aisha radiallahu anha dit que le prophète sallallahu alayhi wasallam a dit certes, celui à qui nous avons accordé sa part de douceur aura reçu sa part de bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Avant cela, il y a le hadith de Jarir, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui est privé de la douceur est privé du bien. Celui qui est privé de la douceur est privé de bien, subhanallah. Et dans le Musnad, selon Aisha radiallahu anha, celui qui a reçu sa part de douceur aura reçu sa part de bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et le bon comportement et le bon voisinage peuplent les maisons et augmentent la durée de vie. Et augmentent la durée de vie. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرفق الناس وشواهد رفقه في سنته ظاهرة ودلائل حلمه وأناته في سيرته واضحة بل إنه ضرب أروع الأمثلة في تحقيق الرفق والأنات في تعامله مع الناس ودعوته إلى دين الله ومعالجته لما قد يقع من أخطاء أو مخالفات ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن أنس رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء عربي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوه وهاريقوا على بولي سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثت ميسرين أو ميسرين ولم تبعثوا معسرين. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le plus doux des gens. Et les témoignages de sa bonté sont apparents dans la sunna, tout comme les preuves de son indulgence et de sa patience sont claires dans le récit de sa vie. Plus encore, il a donné le meilleur exemple d'accomplissement de la douceur et d'endurance dans ses rapports avec les gens, dans son invitation à la religion d'Allah et dans la façon dont il a abordé les erreurs et les transgressions éventuelles. À titre d'exemple, on peut citer le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas, radiallahu anhu, qui relate. Nous étions en compagnie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée. Lorsqu'un bédouin arriva et y urina, le bédouin a uriné à l'intérieur de la mosquée. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, criaient: arrête, arrête. Ce dernier intervint: ne l'interrompez pas, laissez-le. C'est-à-dire laissez-le finir d'uriner. Les compagnons attendirent que l'homme eût fini. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam appela ensuite le bédouin et lui enseigna: ces mosquées ne conviennent pas ou ne conviennent ni pour uriner ni pour ces mauvaises choses ou bien défecter. Elles sont destinées uniquement au rappel d'Allah et la prière et la récitation du Coran. Dans la version de Al-Bukhari rapportée par Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur enjoignit, laissez-le et versez un seau d'eau sur son urine. En effet, vous avez été envoyé pour faciliter la tâche aux gens et non pour leur apporter la difficulté. Donc on voit ici le comportement du prophète sallam et la douceur qu'il a eue. Il ne s'est pas précipité, il n'a pas été violent ni virulent. Il a été doux. Il a facilité. Si les compagnons s'étaient emparés de lui, ils auraient pu lui causer des dommages dans sa santé, car le fait de bloquer subitement l'écoulement d'urine, ça peut causer un tort sévère. Deuxièmement, en le tirant ici et là, après que l'urine eût été dans un seul endroit identifiable, donc on pourra purifier facilement et rapidement, elle se serait propagée dans différents endroits de la mosquée. Donc, on choisit le moindre mal. Puis, il y a l'ignorance de cette personne-là qui, habitant loin des villes, donc qui est loin de la science, a pris tout cela en considération. Et par la suite, il ne l'a pas laissé ainsi. Il lui a enseigné, de par sa douceur, il ne l'a pas laissé dans l'erreur comme cela. Non. Chaque chose en son temps, il lui a enseigné et il lui a montré le bon chemin. Il l'a corrigé afin qu'il ne reproduise pas cette erreur. Et il ne lui a pas crié dessus, il ne l'a pas dénigré, méprisé. Non, il lui a parlé avec des mots simples, des mots clairs, afin qu'il ne recommence pas cette erreur. Dans ces mosquées, il ne convient pas de faire ses besoins. Mais elles ont été érigées pour le rappel d'Allah, pour la prière, pour la lecture du Coran. Et c'est ainsi que ce problème, qui aurait pu être gravissime, s'est soldé. Donc il mettait fin au gros problème, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était doux, et mettant en pratique l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans cela. Et il y a beaucoup d'autres hadiths qui encouragent à la douceur. Le prophète sallam nous a montré que lorsqu'Allah veut mettre la baraka dans un foyer, dans une famille, dans un couple, il y met la douceur. Il y met la douceur entre les membres du foyer. L'homme envers son épouse, l'épouse envers son époux, la mère envers les enfants envers le père, et ainsi de suite. Les gens de la douceur les uns envers les autres, de la compassion, de la mansuétude. Na'am. Et ainsi, les problèmes sont minimisés et peu fréquents. Ainsi, l'affection et l'amour se développent, se répand, naam, si les enfants voient la douceur de la mère et la bienveillance envers l'époux, eux-mêmes vont transmettre cela. Ça va se réfléchir sur eux et ils vont transmettre à leur tour cela. Et si les enfants voient la douceur du père, ben eux-mêmes seront ainsi envers leur mère. Et à leur tour, ils seront doux les uns envers les autres. Ils seront doux avec leurs voisins, avec leurs camarades. Ils seront doux même avec les animaux. Wahakada. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte à Aïcha, et il est dans le Mustad d'Imam Ahmad, le Sahih al-Jami' également, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. الله أكبر. Lorsque الله عز وجل veut pour les membres d'un foyer le bien ou un bien, il y fait entrer la douceur. Il y fait entrer la douceur. Donc un des signes qu'Allah a voulu le bien dans ton foyer, c'est qu'il y a la douceur. Il y a la miséricorde. Il n'y a pas la précipitation, la punition pour chaque faute. Naam, dès que la femme fait le moindre faux pas, elle est indexée, critiquée, blâmée, dévalorisée. Et tu ne sais rien faire, puis comparée à la mère, si ce n'est à la sœur. Naam, tout ce qu'elle fait est dévalorisé, critiqué, que ce soit la nourriture qu'elle prépare, que ce soit la tenue qu'elle porte, au niveau du grain de sel ou du morceau de sucre. Naam, dès que l'enfant a un devoir, il est dévalorisé, il est critiqué. Naam, dès qu'il fait une chose, il est dévalorisé. Ce serviteur-là, Allah n'a pas voulu son bien. Lorsqu'Allah veut du bien pour lui, il lui donne la douceur. La douceur envers la faute. La douceur dans l'enseignement, l'éducation des membres du foyer. La douceur dans toute chose. Dans toute chose. Le fait, on a vu qu'entrer dans la douceur, le fait d'avancer petit à petit dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la mémorisation, et ainsi de suite. Dans un autre hadith, Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit: Urfuqi fa inna allaha idha arada bi ahli baytin khayra dallahum ala babi rifq. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit à Aïcha: O Aïcha, sois douce. Certes, lorsqu'Allah veut pour les membres d'un foyer un bien, il les guide vers la porte de la douceur. Vers la porte de la douceur. Et il y a encore d'autres textes. Tout cela nous montre quoi? Que le musulman se doit d'être doux. Et plus particulièrement dans la prédication, dans la da'wa, il faut avoir de la douceur. Car les gens sont désinformés. Les gens ont pris de mauvaises habitudes. Donc il y a l'étape de At-Tasfiyah. Nous ne sommes pas à l'époque où l'islam est connu selon le Coran et la Sunna, non. Mais il est plutôt dénaturé sur la langue de ceux qui ont de l'inimitié à l'égard de cette religion et de ses adeptes. Les gens n'entendent le terme islam désormais que dans des émissions de télé qu'ils regardent où on critique l'islam, où on essaye de montrer des défauts en vain de l'islam, mais du fait de leur ignorance, ils ne savent pas cela, que c'est faux, ou qu'il y a une explication, ou bien qu'il y a une réfutation, simple pour les gens de science, face à ces ambiguïtés. Ça n'est qu'un amas d'ambiguïtés en réalité. Donc le prédicateur, le prêcheur, l'imam, tous ces gens-là se doivent d'avoir de la douceur. Et d'avancer petit à petit avec les gens en purifiant les mauvaises idées, en purifiant les mauvaises croyances, puis en enseignant ou en même temps en enseignant le bien, la vérité. et en accent véritable, en se concentrant réellement sur la purification de la croyance, puis sur le fiqh de l'ibadat, la jurisprudence, la purification, al-wudu, al-tahara, le rusl, la salat, na'am, en avançant petit à petit avec les gens, en leur enseignant leur religion, le comportement, les nobles caractères, en enlevant les mauvais, en les corrigeant, en introduisant les bons, les nobles, et ainsi petit à petit, et inshallah, raja'una, yani notre espoir est en Allah subhanahu wa ta'ala qu'on verra de très bons fruits. Combien sont ceux qui étaient très très très loin? Certains étaient alcooliques. Certains étaient alcooliques. Certains volaient, certains faisaient et d'autres faisaient. Et ces gens-là, lorsqu'ils ont connu ce qu'était l'islam, la douceur de l'islam, la splendeur et la beauté de l'islam, ils ont abandonné leurs mauvaises pratiques. Ils ont rompu avec ces choses-là. Ils se sont repentis, ils sont revenus à Allah Azza wa Jal. Allah Tabaraka wa Ta'ala leur a accordé de sa lumière, de sa guidée, de sa miséricorde. Et ces gens-là sont devenus les meilleurs des serviteurs d'Allah Azza wa Jal et les meilleures servantes d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais il faut propager avec douceur. La base, c'est la douceur. Et certes, par moments, la douceur peut comprendre la sévérité. Il se peut que le père aimant et affectueux use de sévérité, là où il est sage d'user de sévérité. Il ne faut pas penser que la douceur signifie être faible et ne pas savoir être strict lorsqu'il le faut. Cela revient à al-hikma, à la sagesse, et nous avons déjà étudié le nom d'Allah Azza wa Jal, al-hakim, celui qui a le hukm et al-hikma, le jugement et la sagesse. Voici pour l'explication de ce nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rafiq. فَرَبُّنَا سُبْحَانَهُ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقِ وَدِينُنَا رِفْقٌ وَيُسْرٌ كُلُّهُ وَنَبِيُّنَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِمَامُ أَهْلِ الرِّفْقِ وَقُدْوَتُهُمْ وَوَاجِبُنَا أَن نَتَحَلَّ بِالرِّفْقِ فِي شَأْنِنَا كُلِّهَا أَوْ كُلِّهِ وَاللَّهُ وَحْدَهُ الْمُوَفِّقُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Notre Seigneur, exempt soit-il de tout défaut et doux, il aime la douceur. Et notre religion est une religion de douceur et de facilité. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'imam des gens doux et notre exemple. Il nous incombe donc à tous, chers serviteurs d'Allah, d'être dotés de douceur, de s'entraîner, de s'éduquer à cette noble qualité, et cela dans tous nos états, dans toutes nos affaires. Et d'Allah seulement nous espérons la réussite, seul, sans associé. Fallahu al-musta'an, voici ce grand signe qu'Allah t'aime si tu as de la douceur. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: Inna Allah idha habba ahla baytin adkhala alayhim ar-rifq. Dans Sahih al-Jami' il y a ce hadith: Inna Allah idha habba ahla baytin, lorsqu'Allah aime les gens d'une maison, d'un foyer, Il fait entrer auprès d'eux la douceur. La douceur. Barakallahu fikum wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa huwa ar-rafiq yuhibbu ahla ar-rifq bal yu'tihim bir-rifq fawqa amani. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.